Before that, we choose your prêtre. À donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours de Jean-Marie Durand, qui occupe la chaire d'assyriologie au Collège de France, reprend et prolonge cette année le cours de l'an passé. Ce cours s'intitule « Les personnes déplacées au Proche-Orient ancien, réexamen de la question des Abirou ». Pour entendre cette première leçon, il n'est pas tout à fait inutile de prendre une carte afin de visualiser les lieux évoqués par Jean-Marie Durand. Il nous parle par exemple dans ce cours de la ville de Mari, non loin de Babylone. Ce site, d'une considérable importance, a été découvert par André Parot à la fin des années 20. On y a trouvé environ 15 000 tablettes qui ont enrichi et renouvelé la connaissance de la Mésopotamie de la fin du 3e millénaire et du début du 2e millénaire. Ce site se trouve aujourd'hui dans l'est de la Syrie et était à l'époque un lieu de passage et donc de contrôle. Très riche également en art, cette cité était prospère comme la ville d'Elba, sa voisine. Dans ce premier cours, Jean-Marie Durand, dont les recherches éclairent d'un jour nouveau toute l'histoire de cette période, au point même d'inverser parfois les interprétations qui précèdent, campe l'espace et le milieu historique dans lesquels vivaient les Abirou. L'année dernière, lorsque j'avais regardé le rapport à la Terre, le point fondamental avait été qu'il y a un désir de s'arrêter, manifestement de la part de ces Bédouins. Il y a un désir de ne pas continuer à être des errants. Et on avait vu la nécessité qu'ils avaient de se faire un chez-eux, de se constituer un patrimoine et de se sédentariser, comme nous disons de nos jours. Le terme n'existe pas à l'époque, mais nous pouvons y suppléer. Une des caractéristiques que je vous avais soutenues, c'était que ceux qui s'arrêtent sont toujours prêts éventuellement à repartir. Donc c'est une sédentarisation sous condition. Et je vais vous le rappeler en vous montrant deux exemples tirés de deux familles royales importantes à l'époque, bien documentées par nous. Alors, attention, famille royale, il ne faut pas comprendre naturellement cela comme de nos jours. Ce n'est pas un père, une mère, des frères éventuellement et des enfants. Famille royale, vous devez comprendre cela sous la forme d'un clan, d'une tribu. C'est un groupe humain extrêmement important. Donc, quand je veux vous parler de la famille royale de Mari ou de la famille royale des Kalatoum, vous devez imaginer un clan conquérant qui s'est installé quelque part, et ce sont des gens nombreux. Il faut le comprendre d'une façon non pas familiale, mais de façon ethnique. Regardons le premier exemple, qui est l'exemple de la famille royale de Mari. Nous suivons cette famille avec trois personnes principales et trois rois que nous connaissons. Le premier, c'est Yagidlim. Yagidlim, on sait maintenant qu'il a quitté à un moment donné le nord de la Mésopotamie pour arriver à Mari. Mari était tombée en déshérence. C'était une ville qui devait être, je ne sais pas trop comment, dirigée et peuplée. On voit que tous les petits centres autour d'elle étaient devenus indépendants. Donc certainement son pouvoir n'était pas très grand, jusqu'à un moment où arrive dans la région de Mari, quelqu'un qui s'appelle Yagidlib, c'est-à-dire le grand-père de Zimrilim. Alors, je le fais arriver comme cela, je vais symboliser en traits discontinus les mouvements qu'on est contraint de subir, et en plein les mouvements qu'on s'impose à soi-même. Alors, j'ai fait une ligne droite pour aller de là, c'est-à-dire que je fais passer à travers le Jebel Abdelaziz où personne ne passe, parce que je ne sais pas s'il est passé par la gauche ou par la droite. Alors, plutôt que de nous faire passer par le Rabour, il est peut-être passé par le Rabour, il est peut-être descendu le Balir et est venu par là, je n'en sais rien, donc je le fais aller par le milieu. De toute façon, c'est discontinu, comme c'est discontinu, ce n'est pas grave. Bon. Alors, Amari, il a fait ses affaires, il s'est installé roi, son fils Yardounlim a constitué un royaume important, c'était un roi extrêmement important et un très novateur qui a créé beaucoup de choses autour de lui. Et on constate qu'une fois qu'il s'est installé dans le royaume de Mari, eh bien, il remonte dans le nord. Il remonte dans le nord. Alors, on ne suit pas très bien le détail de ses opérations, mais on le voit qu'il reconstitue, il se reconstitue une base territoriale ou d'influence extrêmement importante, et il repart ensuite du côté gauche. Il se crée une nouvelle zone très importante. Là, je vous ai montré ses activités principales, mais il est bien évident que Yardounlim a constitué une base, il a eu un territoire bien plus important, puisqu'il s'est emparé de Toutoul, il est allé s'attaquer à Batoum, il s'est attaqué à Aymar, il est allé dans un raid jusque par ici, donc ce schéma n'est pas est réducteur, si vous voulez. Il a eu une puissance bien plus importante. Il est allé reconstituer sa puissance dans les territoires qu'il avait perdus. Il s'est affronté naturellement au roi qui venait du côté de l'Est. Il a perdu la bataille. Et à ce moment-là, Mari ayant été conquise, il a été obligé de repartir du côté de l'Est, et c'est un nouveau mouvement donc qui lui a été imposé, il est reparti. Vous voyez donc, première fois, il a quitté son lieu pour venir ici, il s'est constitué un pouvoir, et il repart. Après les événements, eh bien nous voyons la famille royale et le clan revenir. Alors en bleu, nous avons fait le retour. C'est Zimrilim qui arrive. C'est le troisième. Ça signifie la tribu est mon aide. Zimrilim revient. Et alors, c'est le fleuruite de Mari. À ce moment-là, vas-y, il remonte dans le nord sur les traces de son père. Et puis, il va beaucoup plus loin du côté de l'Est, beaucoup plus loin du côté du Sud, et c'est là qu'il constitue, petit à petit, cette zone intermédiaire que je vous ai montrée tout à l'heure. Et d'après OBO, nous voyons maintenant, nous suivons très très bien dans le détail la constitution de ce grand royaume de Mari. Donc, vous voyez à quel point la puissance du royaume de la famille royale de Mari est liée étroitement au clan des Ben Simalites, ce que l'on appelle les Ben Simalites. On peut considérer que les Ben Simalites arrivent sur l'Euphrate avec Yagidlim, en repartent après la chute de Yardounlim, en reviennent au moment du triomphe de Zimrilim, et vous verrez tout à l'heure que le roi de Mari, étant un Ben Simalite ayant constitué un royaume, sa tribu va avoir une puissance territoriale considérable. Voici un premier exemple, si vous voulez, de cette espèce d'aspect accordéon qui fait qu'un royaume se dégonfle, se regonfle, se constitue, se désagrège, etc. Voici un premier exemple. Alors, le deuxième exemple va être pris du côté de l'Est. C'est le roi Samsi Adou. Le roi Samsi Adou. Eh bien, on sait On sait maintenant qu'à un moment donné, Samsiadou a été obligé de quitter un endroit qui se trouvait dans le pays d'Akkad. Le pays d'Akkad, c'est la région centrale de l'Irak. C'est-à-dire que Eshnouna et Babylone sont les deux pôles du pays d'Akkad. Ils ne sont pas pareils. Ils n'ont pas les mêmes tribus, ils n'ont presque pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes traditions, mais Eshnouna, à ce moment-là, représente une tradition plus glorieuse, et Babylone représente certainement une ville très importante quand même. On peut suivre, puisque nous avons maintenant la geste de la famille de Samsiadou, des événements jusqu'au moment où Samsiadou est obligé de partir, et il va s'emparer de Kalatoum, qui sera sa capitale. Et puis, une fois qu'il arrive... Donc, c'est un schéma, si vous voulez, vers le nord, inverse à celui que Yagidlim a eu depuis le nord jusqu'au sud. Ils partent de chez eux, suite à des problèmes, ils arrivent quelque part, le clan s'installe, et à partir d'un nouveau centre, on va faire des conquêtes. Alors, une fois qu'il est arrivé à Ekalatoum, il va commencer par prendre la ville prestigieuse de Achour, qui est juste à côté. On a cru très longtemps que Samsiadou était un roi d'Achour. En réalité, il a été roi à Achour après avoir été à Ekalatoum. Et puis, une fois qu'il est là, eh bien, on ne sait pas pourquoi, mais il va suivre un petit peu le chemin des marchands d'Achour. Alors, y a-t-il un lien entre les deux? On ne sait pas. On peut supposer, mais... aucun document ne nous le raconte. Il va partir vers le nord et il va aller prendre la grande ville d'Andaric, une des capitales du royaume que je vous ai montré du côté du Sinjar. Une fois qu'il est là, il va s'installer dans le sud Sinjar, il va franchir la montagne et il va aller vers ce qui est le centre géographique de la Jésirée du nord-est. Et puis une fois qu'il est là, il va aller s'affronter à Yardoulim, qui est en train de faire son royaume par là. Il va y avoir un affrontement majeur. Le roi de Marie perd la bataille. Alors à ce moment-là, dans la foulée, le roi de Samsiadou s'engouffre jusqu'au royaume de Marie et va le conquérir. Et il va, à ce moment-là, vous voyez, chasser de là, regarder ce qu'il se constitue. Alors naturellement, ça va être les dépouilles de Marie et il va se reconstituer après des événements extrêmement compliqués, eh bien, vous voyez, il va... Alors, on le fait rayonner. Voici le rayonnement de sa puissance. Et il va se constituer un énorme royaume. Un énorme royaume qui va être constitué de toute la région ouest sur la rive gauche de l'Euphrate. Et il va constituer pour la première fois l'embryon de ce qui sera la Syrie historique. Et certainement, il va aller plus par là, mais nous ne savons pas très bien situer les villes qu'il a conquises. Alors, vous voyez, voici un deuxième exemple de quelqu'un de chassé de chez lui, qui arrive à un endroit et qui se constitue un immense empire, on peut parler réellement d'empire, qui va des berges de l'Euphrate aux berges du Tigre. Et même, bien au-delà, jusqu'aux Zagros. Eh bien, à un moment donné, je vous ai montré la flèche bleue qui montre les Bensimalites qui reviennent reprendre Marie, l'Empire va s'écrouler à nouveau. Et on voit à ce moment-là son fils partir en exil à Babylone. Ensuite, en revenir triomphant, il va causer des problèmes à tout le monde ici, et puis ensuite repartir, reprendre un royaume vers la fin du côté de Toutoub ici. De la même façon, va jouer l'accordéon. Samsiadou, chassé du royaume d'Akkad, part dans le nord, se constitue un immense empire qui s'écroule, et son fils revient après aux endroits de ses origines pour recevoir un nouvel état. Et ce qui est très important, c'est quand on voit son fils Ishmael Hagan quitter Ekalatoum vers la fin du règne des Imrélim, on le voit partir de la ville avec son groupe humain. par les gens des Kalatoum lui disent « Va-t'en, nous ne sommes pas de ton côté », alors que ce sont quand même des gens qui ont été pendant 30 ans, 40 ans à Kalatoum à exercer le pouvoir. C'est une famille qui a toujours été sentie comme hétérogène. Et lorsque les Assyriens, deux générations ou trois générations après, parleront du grand Samsiadou, qui a créé manifestement l'image impériale dans le Nord, ils diront que ce n'était pas un Assyrien, c'était un étranger, c'était un homme que l'on a chassé de chez nous, etc. Donc, voilà à peu près, si vous voulez, deux exemples tout à fait spectaculaires pour illustrer ces gens qui viennent et ces gens qui repartent. Alors, ce qui a été fait ici, sous vos yeux, sur deux exemples majeurs, on peut le faire sur la plupart des familles royales du Nord, beaucoup moins connues, beaucoup moins prestigieuses. Et c'est ce schéma dont nous allons nous servir, que nous allons regarder la leçon de Rabirou, des Rabirou justement, pour essayer de comprendre le sens même du terme quand nous allons voir les archives de Marie dans les détails. Donc, gardez bien cette notion de royaume accordéon qui se crée et qui se défait, avec chaque fois, non pas simplement une famille, mais une tribu qui arrive et qui repart. Il faut comprendre ça naturellement sous la notion de les notions plurielles et non pas singulières. Ce n'est pas uniquement des héros. C'est simplement, ce sont des groupes humains qui sont guidés par des hommes issus de chez eux. Alors, en échange de ces gens qui essayent de se sédentariser et qui sont chassés et qui reviennent, etc., j'avais regardé avec vous un deuxième exemple qui représentait une réalité tout à fait différente et qui était en accord avec cette partie moyenne du Proche-Orient qui est le domaine des Bédouins. J'avais regardé avec vous le cas des Ben Simalit. Ce sont des vrais Bédouins. En ce sens que ils ne gèrent pas de ville. On ne peut pas dire que les Ben Simalites ont telle ou telle ville, comme les Benjaminites, par exemple, ont des villes à eux, dans lesquelles il y a des rois installés, il va y avoir des palais, il doit y avoir des installations, etc. Si un Ben Simalite s'installe quelque part, s'il se met à s'installer dans une ville, bon, ben, il quitte son domaine de nomade, il devient sédentaire et on ne le voit plus agir en tant que bédouin, il ne nous intéresse plus à ce moment-là. Alors, je vous ai dit, les Ben Simalites, c'est-à-dire les fils de la gauche, je vous rappelle que les Benjaminites sont les fils de la droite et les Ben Simalites sont les fils de la gauche, sont des gens qui sont étroitement liés à la famille royale de Marie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on les voit apparaître dans l'histoire avec les rois de Marie et disparaître de l'histoire avec les rois de Marie. C'est-à-dire que les Benjaminites, vous en avez tout le temps, vous en avez jusque dans la Bible. Il y a une tribu, des 12 tribus, s'appelle celle des Benjaminites. Les Ben Simalites, ce sont des gens qui, après Marie, disparaissent. Avant Marie, il n'y en a pas, après Marie, il n'y en a plus. Alors, lorsque les rois, certains d'entre eux deviennent des rois de Marie, les Ben Simalites suivent. Et je vais vous remontrer les trois cartes fondamentales qui permettent de les suivre. Alors, la première vous montre, le premier ce mouvement, c'est lorsque... C'est au moment du retour de Zimrilim, lorsque les Ben Simalites reviennent d'exil et se réinstallent dans les territoires d'où Samsiadou les avait chassés. Alors, ils sont certainement quelque part sur la rive droite de l'Euphrate, ils retraversent et ils arrivent. Alors, ce que l'on va voir, il y a deux tribus fondamentales, je vous le rappelle, pour ces Ben Simalites. Vous avez la tribu des Yabassa, c'est-à-dire les gens qui habitent le sec La racine de Yabesh, c'est le sec. Alors, c'est la tribu du Nord. Ils reviennent là et ils s'installent dans la région. Ils ont un centre très important. Tu peux les faire. Ils ont des installations un petit peu à droite et à gauche. Et voici leur territoire de parcours. Ce sont des tribus. Ça s'arrêtait en Darik ? Voilà. Ce sont des bédouins moutonniers et qui, comme tous les bédouins, circulent. Alors, on les voit un petit peu passer à droite et à gauche. Leur territoire de parcours est celui qui va depuis le gros rond que vous avez là jusque un petit peu au sud d'Achour. Voilà. C'est leur ampleur de parcours pour leurs moutons. Et ils font tout ce parcours en fonction des endroits où il y a de l'eau, où il y a de l'herbe, et ils emmènent leurs moutons à droite et à gauche. Voici le parcours des gens du Nord. Ensuite, avec l'arrivée, ça c'est le parcours de la deuxième tribu des Ben Simalites, ce que l'on appelle des Acharougayou, c'est un terme qui n'a pas encore reçu son explication définitive, mais en opposition à celle des Yabassa, on pense que c'est une façon de se trouver de l'eau, d'une façon particulière dans le lit des Wadis. Alors, c'est une tribu qui n'était pas du tout partie du côté de l'ouest, mais qui s'était réfugiée dans le grand désert qui se trouvait au sud du Djebel Sinjar lorsque Yardoulib avait perdu le pouvoir. Lorsqu'il y a eu la chute du royaume de Samsiadou, ces gens sont remontés du sud, ils sont allés attaquer le royaume de Haute-Mésopotamie par le sud à Andarik. Ensuite, ils sont allés faire les marchés vers de façon décidée sur Marie. Voilà. Et ils sont allés prendre Marie. C'est-à-dire qu'il y a eu deux percées. Il y a eu une tribu qui a attaqué venant de l'ouest, et une tribu qui a attaqué du côté du sud. Et vous avez donc à ce moment-là la même deux parcours. Ça c'est la marche triomphale sur Marie. Ils se sont emparés de Marie, et une fois que Zimrélim est devenu roi de Marie, ils se sont installés dans le centre de Marie et ils sont allés coloniser tout le sud. Voilà. Et vous avez à ce moment-là ces bédouins. Maintenant, on peut les suivre dans leur déplacement d'une façon extrêmement précise. Ceux du Nord ont continué ce mouvement moutonnier qui allait jusque-là. Les autres sont allés se sédentariser dans le centre du royaume et dans le sud. Voilà. Et alors, on voit donc ces mouvements de population en fonction des conquêtes politiques qui étaient installées. Et j'avais terminé l'année dernière mon exposé en vous montrant que ces Ben Simalites s'étaient pas arrêtés. La plupart du temps, quand on arrive à suivre des bédouins sur un territoire de parcours, on en est tout content. Là, en réalité, on les voit créer leur mouvement. À la fin du royaume de Marie, voici quelle est la situation. La tribu du Nord, c'est-à-dire les Yabassa, ont profité du fait que la ville d'Ekalatoum, la ville d'Eshnouna et la puissance de l'Élam se sont écroulées suite à des querelles incessantes entre elles ou avec les royaumes de Marie ou de Babylone, et ils sont allés pénétrer jusque dans cette région-là. Et ils sont rejoints à ce moment-là par leurs confrères Acharougayou qui sont là, et tous les moutons sont arrivés dans cette région-là. Ce qui fait que on voit la migration de ces Bédouins qui arrivent par ici, ce qui permet aux gens qui sont dans la région des Al-Makoum de descendre et de venir ici. Et on voit à ce moment-là, je ne sais pas si vous en souvenez, enfin j'espère vous l'avoir montré à ce moment-là, ces mouvements de population qui font que les gens exploitent le grand principe que la nature a horreur du vide. Puisque les grands États du côté de l'Est s'écroulent, les Bédouins avancent du côté de l'Est et amènent leurs troupeaux dans des régions où il n'y a plus d'autorité, mais il y a toujours le superbe pâture. Bon, ben, les moutons continuent et vont prendre l'air des meilleurs du côté de l'Est. Ils vont du côté de l'Est. Effectivement, plus vous êtes du côté de l'Est, plus il y a de la terre arrosée, plus il y a des précipitations du côté des montagnes, et c'est meilleur pour les moutons. À ce moment-là, eh bien, vous avez les gens du Nord qui descendent. Et on voit donc, c'est ça qui est absolument fabuleux dans l'histoire, dans la documentation de Marie, c'est que non seulement on voit des Bédouins, mais on les voit en même temps s'avancer, avoir des territoires coutumiers qu'ils définissent par des accords avec les sédentaires, etc. Et puis en changer, et puis s'avancer. C'est-à-dire qu'on voit déjà à l'époque de Marie toutes les structures que l'on constate par ailleurs de façon banale à des époques plus récentes au Proche-Orient, parmi les tribus arabes, etc. Alors, c'était à peu près ce que je vous avais présenté l'année dernière, et c'était un rappel à peu près de l'atmosphère humaine générale dans laquelle je vais continuer à regarder cette occupation du sol à l'époque amorite. Alors, cette année, ce que je voudrais, c'est alors aborder le problème des mouvements, tout particulièrement pour des raisons politiques. Vous voyez, si je résume ce que je vous ai fait l'année dernière, j'ai vu les mouvements pour des raisons militaires, c'est-à-dire que les gens qui prennent le pouvoir et qui le perdent. J'ai regardé un exemple de mouvement des nomades, comment on peut les voir circuler de par le Proche-Orient. Je voudrais voir maintenant commencer les raisons politiques. Ce sera la première partie du cours qui va regarder de façon précise les rabirous. On verra ensuite les conséquences pour les autres parties de la population. Alors, j'ai la curiosité de taper sur google.fr, j'ai vu qu'il y avait 7810 pages sur les rabirous. Et tout particulièrement, le thème principal, c'était ce qu'on nous cache dans la Bible. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est un des thèmes les plus un des thèmes les plus attractifs en dehors de la science, en quelque sorte. Et j'ai tout à fait conscience d'aborder avec vous une des questions majeures, non pas tellement pour comprendre, si vous voulez, les événements du Proche-Orient ancien. Parce que les rabirous, c'est une des constantes dont vous allez le voir dans toutes les civilisations. Ce n'est pas quelque chose de secret réservé au Proche-Orient. Mais en même temps, c'est quelque chose qui permet de plonger aux racines même de la sériologie. Et alors, pas de faire de l'autocritique, il n'en est pas question, mais de faire un peu d'introspection, si vous voulez. Il est toujours agréable, quand on pratique une discipline, de voir un petit peu comment elle a été faite et dans quel état d'esprit elle a été faite. Alors, le premier point que je voudrais vous rappeler, c'est que à l'heure actuelle, en 2005, nous sommes très protégés d'un point de vue intellectuel. Enfin, on a l'impression qu'on est très protégés. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Et nous nous rendons plus compte, à l'heure actuelle, du poids extraordinaire qu'a représenté pour le discours scientifique, la Bible et le discours biblique. Alors, je ne veux pas parler ici de ce qui est direction morale, religieuse ou politique. Ça, c'est toujours actuel et ça restera, je ne sais pas combien de temps, encore actuel. Je parle du poids sur le discours scientifique. Dans la Bible, ce que l'on, il y a peu de temps encore, n'est-ce pas, ce qu'on trouvait, ce n'était pas uniquement la parole de Dieu. Ça, n'importe qui peut la trouver n'importe où. Mais on pouvait, par exemple, savoir l'âge du monde. Et vous savez que c'était l'âge du monde. L'âge du monde, le monde, le cosmos, hein. Vous savez, Bereshit bara Elohim, hein, c'est ça, c'est le, hein, bon, c'est le. Vous prenez dans la Bible les âges des patriarches, vous les ajoutez les uns aux autres, vous arrivez à David. Alors, à partir de David, là, vous avez le Nouveau Testament qui vous rend un sérieux coup de main, parce qu'il vous donne, depuis David, jusqu'au Christ. Le Christ, c'est l'an zéro. Après, vous ajoutez 1900, 1700, etc., et vous arrivez au moment présent. Et vous savez, au jour près, éventuellement, à l'heure près, quand est-ce que le monde a été créé? Alors, je vois votre santé morale par les sourires dont vous me gratifiez. Beaucoup de grands esprits, et plus grands que nous tous réunis, y ont cru très fort. Hein, y ont cru très fort. Alors, rien que cela, ça mérite le respect. Et vous savez qu'au XVIIIe siècle, il existe un genre très important de livres de chronologie qui vous mettent toutes les dates, les unes après les autres. Ce sont des pages dans lesquelles vous avez simplement toutes les dates de l'humanité importantes. Ça commence, eh bien, avec la création du monde, et puis vous avez tous les patriarches, jusqu'à Noé, et puis vous avez... Noé, ça dure 40 ans, hein, bon... Et puis vous avez ensuite Abraham, vous avez tous les événements historiques, et ces livres vous donnent des tables. Alors, je n'en ai pas malheureusement retrouvé suffisamment tôt pour pouvoir les faire, le faire scanner et vous le projeter, mais je pourrais éventuellement à un autre moment vous le montrer si vous n'avez pas pratiqué cela. Vous avez des livres qui vous donnent tous les événements du monde, les uns après les autres. C'est un peu pour ça que l'histoire événementielle est morte d'ailleurs, hein. Et quand vous arrivez à la fin du XVIIIe siècle, qui est un moment fondateur dans notre discipline, les gens croient dur comme bois qu'il y a eu un déluge, ils croient dur comme bois à la date de l'univers, et si vous voulez, les éclaircissements, la lumière est venue par la redécouverte des sources orientales. Alors, tout particulièrement, je vous présente un de nos grands ancêtres, qui est l'abbé Barthélemy, celui qui le premier est arrivé à lire les textes phéniciens. La Phénicie, ce sont des tarvenus. Et il ne faut pas oublier que les contemporains de Barthélemy qui sont arrivés au Proche-Orient, ils sont arrivés dans une réalité qui leur était masquée par le pouvoir turc. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on connaissait de l'Orient, on le connaissait par le biais des Turcs. Des savants turcs qui, eux, connaissaient très bien toute la réalité arabe, toute la réalité persane, mais c'était la porte pour apprendre l'Orient. Alors, un exemple. Lorsque, en 1766, lorsque le grand savant Niebuhr, le père de l'autre savant qui est plus connu chez nous, est arrivé en Irak du Nord, il a fait une relation qui est un livre magnifique, admirablement illustré, qui est une rareté bibliophilique qui coûte une fortune, mais qui est toujours très intéressant à lire. Lorsqu'il est arrivé en Irak du Nord, eh bien, il est arrivé sur une ville qui est l'ancienne Kalrou, une des capitales, Kalrou ou Kalar, selon des sources plus récentes. Et il l'a appelé du nom de Nemrod. Pourquoi ? Parce que Nemrod, étant un grand chasseur devant l'Éternel, comme dit la Bible. Lorsqu'il a vu les trouvailles merveilleuses qui avaient été faites localement, que les indigènes lui ont montrées, il a dit « Ah, je suis arrivé dans la ville de Nemrod ». Et Til-Nemrod est devenu le nom moderne de cette capitale assyrienne. Alors naturellement, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a toujours l'impression que voilà un reste de l'héritage des anciens. La capitale s'appelle Nimrud. C'est un rapport avec Nemrod. C'est quelque chose qui est une invention par un lecteur de la Bible, quelqu'un qui étant orientaliste, avait commencé par apprendre l'hébreu et la Bible par cœur, est arrivé localement à baptiser son lieu ainsi. Et à l'heure actuelle, c'est un piège considérable, parce que les gens disent « Ah ben, voilà un héritage de l'ancien temps. » Ashour, le nom d'Ashour a été perdu, le nom de Ninive a été perdu. Ninive, c'est Mossoul, bon, Ashour, c'est Charkat. Pourquoi est-ce que Nimrud serait resté ? Nimrud est une invention récente. Et la preuve que l'on en a, c'est que beaucoup de gens ont cherché dans les sources arabes du Moyen-Âge Nemrod et ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé. Et chez les Grecs, on trouve Kalaké, c'est-à-dire avec le que qui remplace le re de l'hébreu. Voilà dans quel état d'esprit les gens sont arrivés. C'était des lecteurs de la Bible. Et lorsque les recherches au Proche-Orient ont été faites dans l'idée de trouver des illustrations des livres saints, des textes saints. Alors, vous connaissez l'histoire, sur laquelle je passerai rapidement. Les archéologues sont venus, enfin, les pourvoyeurs d'antiquité d'abord, les archéologues ensuite. Et la langue ayant été comprise, on a lu les textes. Alors, parmi toutes les découvertes qui ont été faites, vous savez que le choc des chocs, a été de trouver, grâce à ce monsieur Parodi, qu'il avait un regard métallique qui impressionnait les autorités du British Museum. Mais je vous dirais que comme c'était un Anglais, c'était facile pour lui d'impressionner des gens du British Museum. Voici George Smith qui a fait le coup d'éclat en décembre 1872 de faire une conférence sur le déluge retrouvé dans des textes du Proche-Orient. Et voici l'illustration des fragments qu'il avait à sa disposition. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été capable... Vous savez qu'à Ninive, les barbares ils sont entrés pour casser tout. Hein. C'est-à-dire que ça, c'était de grandes tablettes d'apparat de la bibliothèque. Eh bien, quand vous le prenez, les tablettes, ça se casse. Et manifestement, ils les ont cassées. Les trouveurs, par la suite, ont ajouté, là, sur un coup de pioche, quelques éclats parmi les tablettes anciennes. Et il a réussi à remonter petit à petit les versions du déluge. Alors, c'est le fragment de Gilgamesh, tablette 11. C'est la tablette 11 qui représente le déluge. Alors, ce texte qu'on a pris comme le texte le plus ancien, on sait à l'heure actuelle que c'est en réalité un texte, une des parties les plus récentes de Gilgamesh, et que c'est certainement, ça a été rajouté secondairement dedans. Enfin, ça n'empêche pas que c'est certainement plus ancien que le discours de la Bible. Et le choc a été tellement grand, de trouver enfin la preuve qu'on avait un des originaux de la Bible, et que la Bible n'était plus un texte primitif, mais un texte qui a été copié, le mot a été employé, et pillé dans d'autres sources, que la reine Victoria elle-même s'est déplacée et est venue assister à une conférence. Alors, de nos jours, les chefs d'État circulent beaucoup, ils savent que la culture est une chose importante, on pourrait avoir dans n'importe quel cours, n'importe qui, ça n'impressionne plus beaucoup. Hein, donc, simplement, on dit, on aurait l'impression que quelqu'un n'a tellement peu de choses à faire qu'il vient assister éventuellement à un cours d'assyriologie. Bon. En réalité, le déplacement de la reine Victoria est toujours cité comme le coup médiatique que personne ne peut recommencer. Personne ne peut recommencer. Nos collègues de Ebla, dont je vous parlais tout à l'heure, ont eu à une exposition sur Ebla le pape, mais le pape est venu à 10h du soir, entouré de cardinaux et avec uniquement le chef de mission pour se faire expliquer ce qu'il y avait, et ça n'a pas été un événement public. Donc on ne peut pas recommencer des coups de ce genre. Ce n'est pas possible. Le résultat, c'est qu'après son exposé brillant de 78-72, il a eu des crédits pour faire une expédition en 73, pour trouver... Ça fait rêver. Hein. Il a eu des crédits en 73 pour aller chercher les fragments manquants. Vous voyez, parce on voit bien qu'il y a des choses qui manquent. Même la reine d'Angleterre, impératrice des Indes, peut comprendre ça. Eh bien, croyez-vous, il a eu une mission, il y est allé, il a trouvé les fragments manquants. Alors, il raconte qu'entre les pattes d'un gros lion, de ces grosses bêtes composites, comme il y a au Louvre à l'heure actuelle, n'est-ce pas, il voyait un fragment de tablette, les ouvriers lui disaient « Oh, mais ça, on ne peut pas aller le prendre, je veux absolument le prendre », et sentait, il était inspiré par les dieux de la Syrie qu'il fallait le prendre, il a envoyé quelqu'un le prendre, et c'était un fragment du déluge. Bon, si ça n'avait pas été un fragment du déluge, effectivement, on n'en aurait pas parlé. Alors, vous voyez, c'est ça qui est extrêmement important, c'est la place que la Bible a dans l'inconscient, si vous voulez, des savants. C'est quelque chose, pour que la reine d'Angleterre se déplace, ce n'est qu'un épiphénomène de quelque chose de beaucoup plus profond. Et dans la foulée, il y a eu toute une série d'œuvres fondatrices pour la discipline. Vous allez voir comment les rabirous vont entrer dans cette problématique. Il faut comprendre le milieu historique pour comprendre la problématique des rabirous. Immédiatement, Delitzsch, qui a été un de nos plus prestigieux savants dans la discipline, a fait paraître en 1881, immédiatement après, un ouvrage qui s'intitule « Où se trouve le paradis ?»« Volag das Paradis ». Alors, il faut bien comprendre, naturellement, que ce sont des ouvrages. Quand vous cherchez l'Arche de Noé à l'heure actuelle, pourquoi ne pas chercher les quatre fleuves du paradis? C'est une recherche fondamentale. Cet ouvrage, naturellement, n'est pas un ouvrage naïf. C'est un ouvrage qui remet tout à fait en question des enjeux bien plus importants. Et le deuxième ouvrage qui apparaît, et qui est Babel und Bibel, dont le titre n'a pas besoin d'être traduit à l'heure actuelle, on le cite tel-même, représente plusieurs conférences de lui dans lesquelles il démonte la Bible d'après le nouveau savoir. Alors, là, il a réussi lui aussi son image médiatique, puisque le Kaiser, c'est l'empereur d'Allemagne, s'est lui-même déplacé pour venir assister à ce genre. C'est-à-dire que les gens avaient l'impression de se trouver, ils avaient l'impression de se trouver devant un monde nouveau, avec des évidences nouvelles, et ont tourné le dos à des choses qui avaient jusqu'à présent régi l'humanité. Ces ouvrages, ce soir, nous avons perdu un petit peu le contact avec cela, parce que à l'heure actuelle, la Bible représente pour nous une affaire de créance. De croyance, plus ou moins. Bon, est-ce qu'on lit la Bible, est-ce qu'on lit pas la Bible, comment est-ce qu'on la lit, dans quelle version, etc. Ça devient un petit peu une affaire personnelle, ou une affaire de culture. Bon. Là, c'était des enjeux qui étaient extrêmement importants. Vous allez me dire, oui, bon, ben ça, c'était le choc du début. C'était le choc du début. Je voudrais, avant de passer à des choses plus sérieuses, vous montrer que c'était pas des choses du début. Parce que, lorsque nos collègues italiens ont eu l'extraordinaire surprise de voir apparaître dans, à 45 km au sud d'Alep, en plein dans la steppe, une ville nouvelle, énorme, avec des archives en sumérien qu'on ne pouvait absolument pas prévoir. C'est la ville de Ebla. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Croyez-vous que Ebla a été intégré à la philologie, à l'histoire? On peut faire à partir de ces textes des recherches de philologie, de lexique, d'événements, etc. Pas du tout. On s'est rendu compte qu'il y avait au milieu quelqu'un qui s'appelait Ibrioum. Ibrioum. Alors, il a été décoré du nom de roi. On sait à l'heure actuelle le malheureux. C'est un imposteur, ce n'est pas un roi, c'est un premier ministre. Bon. Mais à l'époque, il était tellement mentionné qu'on a cru que c'était un roi. Et vous voyez, Ibrioum, qu'il a besoin de dire, ça rappelle des choses. Bon. Alors, je vais vous montrer, 20 ans après la découverte de Ebla, eh bien, voici. Alors, l'article est en français. Voici ce que un de nos plus éminents chercheurs d'assyriologie a fait lorsque il a rappelé la découverte de Ebla. Et voici le texte. Vous voyez, les 5 premières années de la recherche éblaïte appartiennent maintenant à ce qu'on pourrait qualifier d'âge héroïque. Une époque caractérisée par des héros combattants, trouveurs de trésors, vainqueurs de dragons, magiciens, mystiques et sages, chuchotant des mots sublimes pour évoquer un message secret. Et ça, parler un extraordinaire français, un Allemand parlait un extraordinaire français. Oui. Bon. Car les premiers essais de lecture des tablettes d'Ebla ont certainement comporté de grands malentendus, comme nous le savons aujourd'hui. C'est dans cet état d'esprit que le problème des rabirous s'est posé. Effectivement, il y a un malin génie qui a fabriqué les documents historiques, vous savez. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le voir tout de suite. Le problème des rabirous s'est posé à cause des tablettes d'Alamarna. Qu'est-ce qu'Alamarna? Vous le savez très bien, c'est une des capitales égyptiennes. C'était à un moment donné une capitale d'Égypte. À un moment crucial dans l'histoire d'Égypte, et on a retrouvé localement un lot très important de tablettes contenant des lettres diplomatiques. Et de 1887 à 1892, cette correspondance a été trouvée et a été traduite. Et dedans, il y avait le terme de Rabirou qui apparaissait. H-A-B-I-R-U. Alors, le premier était vraiment innocent. Il a dit, ça me rappelle le Hébron. Il y a des gens d'Hébron. Et puis, plus tard, quelqu'un lui a dit, ça doit être Haberim, qui signifie les alliés. Et dès 1890, le grand Simerne a dit, il y a un rapport avec les Ivrim de la Bible. Et vous avez trouvé les Hébreux. Première mention des Hébreux. Alors ça, trouver mention des Hébreux, il n'y a que la mention de Moïse qui pourrait être plus importante dans un texte égyptien. Hein. Bon. Et ou quel est le pharaon qui s'est fait noyer? Voilà, il y a deux choses comme ça qui sont peut-être plus importantes. Alors, où est-ce que le démon de la sériologie a frappé? Eh bien, vous allez le voir tout de suite par le fait que Les seuls exemples de Rabirou dans les lettres d'Alamarna, ils viennent tous de Jérusalem pour signaler, c'est le gouverneur de Jérusalem qui signale au pharaon que la région est remplie de méchants Rabirou qui se révoltent. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui, le Collège de France avec Jean-Marie Durand. Présentation, Christine Goémé. Réalisation, Jeanne Cherquefosse. Vous présente Enquête en pays KGB. Surpris par la nuit, revient sur le destin de ces romans interdits, passés clandestinement en Occident ou restés enfermés durant des décennies dans des tiroirs. Ce rapport à la censure et cette existence de la censure, cette permanence de la censure ont tout conditionné. C'est vrai que quand on regarde bien, la dissidence écrivait, il y a eu des choses excellente d'un point de vue littéraire, mais écrivait toujours en se positionnant par rapport au pouvoir. C'est malgré tout toujours soit une satire, soit une condamnation, soit une dénonciation, soit, mais c'était toujours par rapport à ce pouvoir. Alors qu'aujourd'hui de nombreux chercheurs ont pu accéder aux archives de la censure,